John Production. Ce n'est que là où trop. Arrêtez, je sais pas comment j'ai pu y penser. J'en étais pas lassé, mais juste marre d'être offensé. Mais j'ai compris que même si je veux pas percer, faut persévérer. Et je prie pour que NCF Flow fasse tout pour y arriver. J'ai ouvert les yeux et j'ai toute ma vie devant moi. Je regarde les cieux et je repense à ceux qui sont partis sans au revoir. Mesdames, messieurs, de phase en phase B et une autobiographie. Pardon pour celles et ceux à qui j'ai dit que c'était fini. Mais j'ai encore des projets, encore flous à mes yeux. Premier G, contre Maradot, je me rends pas pour un dieu. Et comme Nesdin, je remercie les rageux. Je fais tout en deux spi, pour ça que les préludes j'en fais deux. Inutile de vouloir contrôler ma vie. C'est débile, toi et moi c'est pas pour la vie. Comment j'ai pu croire que je pourrais arrêter? Et j'ai su que même au fond les frères faut pas les lâcher. Je regarde en bas Nesdin grimper l'échelle sociale. Et je pars tirer que quand les soucis iront au diable. Je suis loin du début donc je mets en quarantaine mes projets de fin. Et je viens de loin mais on me met des freins. Je suis fort, non ça faut pas le croire. Baisse les stores, que je mette mes rimes en déboire. J'ai des dizaines de sons non postés en studio. Parce que je n'y mets pas à fond mes rêves de brio. Ya j'ai peur parce que RIP ou bien jeunesse. On se retrouvera au bout de la route, moi et Ness. Moi et Ness. Yeah.